La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, petite question, pouvons-nous penser l'absolu ? Bonjour à toutes et à tous qui êtes ici devant nous, très nombreux, et à vous autres qui êtes ailleurs, encore plus nombreux, pour cette conversation scientifique un peu particulière. Nous sommes en public et en direct au Salon du Livre à Paris, en compagnie du camarade Léon Bonafé, que je salue. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver Léon, vous allez nous lire deux ou trois poèmes et vous nous ferez part de vos propres inspirations. Le sujet que nous avons choisi n'est pas un tout petit sujet en effet. Peut-on penser l'absolu ? Cette question qui fleure bon l'interrogation métaphysique est à la fois immensément profonde et gaiement frivole. Comment la présenter ? Peut-être par le biais de la question du temps, dont le langage dit des choses qui ne sont pas toutes cohérentes entre elles. De nombreuses locutions familières suggèrent que le temps serait un être purement physique, tandis que d'autres, non moins éloquentes, laissent penser que le temps ne serait qu'une production de notre conscience. Pour ne rien arranger à la situation, les philosophes eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux. Pour les uns, le temps doit être pensé sans qu'aucune référence ne soit faite à la conscience de quelque observateur que ce soit, ni même à sa simple présence. Pour d'autres, le temps est au contraire un passage, une dynamique qui ne peut être décrite et pensée qu'en faisant intervenir la présence d'un sujet, de sorte que le temps serait intrinsèquement corrélé à la subjectivité. Question donc, vers laquelle de ces deux écoles de pensée la raison doit-elle pencher ? Difficile de dire, par exemple, l'idée selon laquelle le temps n'existerait pas en dehors du sujet doit se confronter à des données factuelles qui constituent pour elle une difficulté. Au cours du XXe siècle, les scientifiques ont pu établir que l'univers a un âge égal à au moins 13,7 milliards d'années et que l'apparition de l'homme ne remonte, elle, qu'à 2 ou 3 petits millions d'années. Que disent brutalement ces chiffres ? Que l'univers a passé le plus clair de son temps à se passer de nous. On voit donc surgir un problème. Si l'on défend l'idée que le temps est subordonné au sujet et ne peut exister sans lui, comment diable a-t-il pu bien s'écouler avant l'apparition du sujet ? Autrement dit, cantonner le temps dans le sujet ou vouloir que le temps n'ait de réalité que subjective, n'est-ce pas s'interdire d'expliquer l'apparition du sujet dans le temps ? Ce paradoxe, qu'on appelle le paradoxe de l'ancestralité, est-il si grave que nous devrions en conclure que le temps est indépendant de toute existence, de toute conscience, que le temps serait absolu en un sens ? C'est ce que je voudrais savoir, et c'est pourquoi j'ai invité Michel Bitbol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe et vous venez de publier un livre assez épais qui a fait ma semaine, qui s'intitule « Maintenant la finitude, peut-on, c'est le sous-titre, peut-on penser l'absolu ?» Alors vous êtes un des très rares philosophes à très bien connaître la physique, notamment la physique quantique. Cette physique de l'infiniment petit qui a été formulée dans les années 20 du siècle dernier. Est-ce qu'elle a joué un rôle dans votre propre parcours philosophique ? Autrement dit, est-ce que vous penseriez la même chose qu'aujourd'hui si vous n'aviez pas connu la physique quantique ? Alors oui, je crois que je penserais exactement la même chose, mais la physique quantique m'a donné la force et le courage de le penser, parce que, à mon avis, elle ne permet pas de contourner la question de la relativité des connaissances par rapport à notre acte de connaître. Alors que la plupart des autres connaissances, et en particulier les connaissances de la physique classique, de la biologie classique, se laissaient en vérité rendre indépendantes de la manière dont nous les pensons. C'était relativement facile, pour le dire comme Emmanuel Kant, de faire comme si nous étions complètement hors de la question, comme si nous pouvions nous soustraire de la connaissance. Comme si on décrivait une réalité objective. Comme si nous décrivions une réalité qui existerait complètement indépendamment de nous. Parce que vous le savez, la connaissance objective selon Kant, ce n'est pas une connaissance de quelque chose qui serait complètement indépendant de nous. C'est une connaissance de ce qui, tout en étant relatif à l'acte de connaître du sujet, est indépendant de quel sujet particulier produit cet acte. Mais d'une façon générale, Michel Bitbol, est-ce que vous pensez que les philosophes d'aujourd'hui devraient connaître un peu de la science contemporaine, Ou est-ce que vous pensez que les deux disciplines sont, à juste titre, complètement séparées et doivent le rester ? Non, je pense vraiment que c'est absolument indispensable de connaître les sciences contemporaines pour faire de la philosophie de nos jours. Tout simplement parce qu'il y a des arguments en provenance des sciences qui ont, si vous voulez, une prétention à régler des questions philosophiques. Si on ne connaît pas un minimum de sciences, eh bien, on ne peut absolument pas se situer de façon experte face à ces proclamations quasi-philosophiques en provenance de la science elle-même. Et c'est pour ça qu'il me semble que plusieurs philosophes qui ont voulu soit critiquer les sciences sans les connaître, soit au contraire défendre les positions des scientifiques sans comprendre quel était l'arrière-plan de ces chercheurs, eh bien, n'ont pas forcément fait un très bon travail. Alors, je l'ai dit, c'est un gros livre, hein. Maintenant, la finitude, peut-on penser l'absolu ? J'ai passé 2 heures de chacune des soirées de la semaine à le lire. Combien de temps vous a-t-il fallu pour l'écrire ? Est-ce que c'est un livre qui correspond à une sorte d'aboutissement philosophique ? Écoutez, c'est un livre qui, d'une certaine façon, rassemble l'ensemble de mes contributions, mais avec un objectif extrêmement précis, c'est de réfuter une thèse qui a été émise en 2006 par Quentin Meillassou sous le titre « Après la finitude ». Et comme j'ai lu ce livre avec passion, c'est un livre très beau, très bien écrit, très clair, mais en même temps, j'avais l'impression que chacune des thèses qu'il émettait était tout à fait contraire à ce que j'avais compris moi-même, à la fois de la science contemporaine et, disons, des grands principes de la philosophie. Et donc, mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis dit, mais enfin, ce livre si beau, si bien écrit, qui attire l'attention à juste titre, d'ailleurs, de beaucoup de chercheurs. Et qui a un certain pouvoir de conviction. Il a un pouvoir de conviction, il attire beaucoup de jeunes philosophes, et pourtant, je le trouve complètement à côté de la plaque, si j'ose dire. Et donc, il faut absolument que j'y réponde. C'est comme une œuvre de salubrité publique. Il faut que je demande aux jeunes philosophes de ne pas le prendre absolument à la lettre. Et donc voilà, je me suis mis à écrire et j'ai pris 2 ans. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, maintenant la finitude, c'est la réponse à après la finitude. Exactement. Et d'ailleurs, dans la dédicace que vous, si je peux la citer, que vous avez écrite sur l'exemplaire que vous m'avez offert, vous dites « Je ne retiens du facteur temps que son germe dans l'instant ». Exactement. Est-ce que ça résume la thèse ? Ah, presque, oui, tout à fait. Oui, parce que finalement, ce que justement le matérialisme spéculatif de Quentin Meillassou a omis... Alors attendez, il faut définir le matérialisme spéculatif. Oui, alors allez-y. Alors, ouais. Non, c'est à vous, parce que moi j'ai essayé de résumer dans le chapeau de l'introduction de cette émission. Oui, c'est l'idée que la science permet de dire des choses sur ce qui s'est passé avant l'apparition de l'homme, voilà, ou de la conscience, voilà, et que donc elle a accès à quelque chose qui est en quelque sorte débarrassé de l'influence de la conscience. Exactement. Donc, c'est bien résumé ça. Tout à fait. Donc effectivement, je dirais que cet argument selon lequel il y a eu des événements qui étaient bien avant l'apparition de l'homme vise à finalement étayer une thèse qui est plus générale que ça et qui dit « il est possible pour l'être connaissant de connaître des choses qui sont indépendantes de lui ». Voilà. Donc c'est un matérialisme, et en quoi est-il spéculatif ? Alors il est spéculatif parce que il va au-delà de ce qui est immédiatement donné à la connaissance, disons, empirique, et il édifie un ensemble de mondes possibles. Et l'une des thèses majeures, c'est qu'il est possible, effectivement, d'imaginer quantité d'autres mondes qui n'auraient pas du tout les mêmes lois que le nôtre, et qui seraient tout aussi plausibles que le nôtre. Et que, finalement, la leçon majeure qu'on peut tirer de notre réflexion sur le monde actuel, c'est son absolue contingence. Le fait qu'il aurait pu être tout autrement, et que donc ces lois sont parfaitement facultatives. Est-ce qu'on peut penser à un univers qui n'aurait pas de loi, et dans lequel la science serait possible ? C'est exactement ça le problème. C'est-à-dire que dans un univers qui n'aurait pas de loi, alors déjà, un être connaissant empirique, c'est-à-dire un être humain, serait impossible, parce que pour qu'un être humain soit possible, il faut que un certain nombre d'événements réglés se soient passés auparavant pour le faire évoluer vers son état actuel. Et donc, l'être humain ne serait pas possible. La deuxième chose, beaucoup plus profonde, je dirais, c'est que le sujet connaissant ne serait pas possible. Pourquoi ? Parce que pour qu'un sujet connaissant soit possible, il faut qu'il unifie sous, justement, le chapeau de son acte de conscience présent, tout un ensemble de phénomènes qui deviennent pour lui un ordre. S'il ne peut pas faire ça, eh bien, il n'y a pas de véritable conscience unifiée. Donc, pas d'être humain, pas de sujet, sans ordre. Alors, le livre de Quentin Meillassou dont nous parlons, qui s'intitulait donc « Après la finitude », avait été préfacé par Alain Badiou. Oui. Et dans sa préface, il dit que cette philosophie, cette doctrine, annonce une désincarcération. Ah oui, mais absolument. De quoi ? Alors, effectivement, la hantise de ces philosophes que vous avez cités, c'est-à-dire Quentin Meillassou et Alain Badiou, c'est de penser que la philosophie antérieure, depuis Kant jusqu'à Derrida, nous a enfermés. Alors, elle nous a enfermés d'abord dans la pensée, pour Kant, et ensuite, elle nous a enfermés dans le langage pour les philosophes les plus contemporains, les philosophes analytiques, les gens comme Derrida, etc. Donc, pour eux, il faut absolument se désincarcérer, sortir de là, sortir de la pensée et du langage pour arriver à ce qu'ils appellent le grand dehors, ce qui dépend vraiment pas de nous, vraiment pas de la pensée, vraiment pas du langage. Malheureusement, ce qu'ils pensent comme indépendant de la pensée est encore pensé par eux. Oui, mais est-ce qu'on peut faire de la science, par exemple de la physique, si on n'est pas convaincu qu'il existe un en-dehors de l'esprit? Alors, sinon, la physique ne permettrait finalement de connaître que l'esprit et non pas ce qui le dépasse. Alors, en effet, pour faire de la physique, il est bon de faire comme si il y avait quelque chose qui est complètement indépendant de nous. Ceci dit, ce qui est complètement indépendant de nous, on peut le concevoir de plusieurs façons. On peut le concevoir comme un grand objet qui nous fait face et nous comme des êtres complètement désincarnés qui regardons de haut, comme on le dit dans la philosophie anglo-saxonne, du point de vue de Dieu, c'est-à-dire d'un point de vue complètement extérieur au monde. Ou alors on peut concevoir cette réalité qui nous dépasse comme étant peut-être de la même matière, mais alors matière qui n'est plus matérielle justement, comme de la même substance, de la même étoffe que notre expérience vécue. Et ça, c'est tout le thème d'une série de philosophies qui a suivi Kant, les philosophies post-kanticiennes comme Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer. Je vois Léon Bonafé qui opine du chef. Oui. Il a sûrement un truc à lire. Oui, alors une première chose peut-être dans ce débat pour repartir sur les bases, les fondamentaux de l'existence avec Alexandre Vialat, qui nous rappelle que l'homme n'est que poussière. C'est dire l'importance du plumeau. On en a raconté ou écrit sans sottise. Par exemple, il ne fait que déplacer la poussière. Alors, je voudrais savoir ce que fait le torchon. Déplacer la poussière depuis le commencement du monde est la seule façon de nettoyer. Le plumeau déplace la poussière avec une grande utilité. Il la fait passer d'un endroit inaccessible à un endroit où on peut l'attraper. Voilà, ça peut faire avancer un peu la discussion. L'homme Michel Bidouer, ça vous parle, ça ? L'homme n'est que poussière ? L'homme n'est que poussière, et le plumeau est tenu par un être humain. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est ça qui est vraiment crucial, si vous voulez, dans ce débat. C'est toujours se rappeler d'où on parle. Et d'où on parle, c'est de notre expérience présente, de notre expérience tout à fait humaine. Alors, dans quelques semaines, nous recevrons à cette émission des philosophes, des historiens, des mathématiciens qui connaissent bien Cavaillès. Jean Cavaillès, grand philosophe des mathématiques, qui a été fusillé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et lui avait une conception assez stricte de la philosophie. Il disait « La philosophie ne doit se couper ni des sciences ni de la raison. Elle doit à tout prix refuser le déclin de la preuve pour devenir la fille de la rigueur. » Elle s'apparente donc davantage aux mathématiques qu'à la littérature. Philosopher, c'est démontrer et non pas faire des confidences sur sa subjectivité propre. C'est une affaire de concept plutôt que l'épanchement des états d'âme, de l'intellect ou des tourments du cogito. La recherche de la vérité implique en somme qu'on s'oublie un peu. Tout à fait. Et donc il faut éliminer le sujet. Est-ce que c'est une thèse qui est contradictoire avec la vôtre ? Non. elle n'est même pas contradictoire avec la mienne. Alors ça, ça m'étonne, il va falloir expliquer. Eh bien, parce que je peux me référer à l'un de mes philosophes préférés, Edmund Husserl. Et que cherchait Edmund Husserl ? À revenir étrangement au plus près de la subjectivité, et néanmoins, en revenant au plus près de la subjectivité, rendre les vérités qu'il pouvait communiquer à ce propos, c'est-à-dire à propos de la subjectivité, le plus indépendant possible d'un sujet particulier. C'est une fois, vous savez, une anthropologue américaine qui n'était pas passionnée par la phénoménologie, c'est-à-dire cette discipline philosophique créée par Edmund Husserl. Ça arrive au meilleur. Eh bien, elle m'a demandé, pouvez-vous définir la phénoménologie en trois mots ? D'accord ? Les Américains sont pressés, ils veulent de l'efficace. Alors je lui ai dit oui. La phénoménologie, c'est la recherche des universels subjectifs. Alors ça paraît contradictoire. Subjectif, c'est personnel, c'est unique, c'est singulier. Universel, c'est tout le monde. Eh bien oui, mais il y a quelque chose que nous partageons. Il y a un certain nombre de sentiments. Par exemple, si je vous parle du plaisir, de la peur, de la couleur, vous me comprenez tout de suite. Et pourtant, c'est quelque chose que vous vivez personnellement. Et comme c'est quelque chose que je vis aussi, nous pouvons nous comprendre. C'est donc de l'intersubjectivité. C'est de l'intersubjectivité, voilà. Donc, la science peut être indépendante de la subjectivité, elle doit être indépendante de la subjectivité particulière, elle n'est pas indépendante du fait qu'il y a des sujets pour l'élaborer. Alors, est-ce qu'on a raison de dire que, ou est-ce que j'aurais raison de dire si je disais que Kant est l'archétype du philosophe corrélationniste ? Oui, c'est d'ailleurs comme ça que le prend Meyassou. Alors, comment est-ce qu'on peut définir, d'une façon générale, ce que vous appelez dans le livre, est-ce que Quentin Meyassou appelle lui aussi le corrélationnisme ? Oui, alors c'est une thèse selon laquelle on ne peut pas connaître les choses telles qu'elles sont en elles-mêmes, mais seulement en relation avec nos actes de connaître. Et alors, dans la fin de la préface de votre ouvrage, Michel Bitbol, vous écrivez « Quelque chose ne tourne pas rond dans la preuve dirigée contre le corrélationnisme ». Oui. Mais cette preuve réclame 500 pages. Oui, enfin, non. Non, 480. D'accord. Mais non, il y a quand même enfin, y a qu'un chapitre qui est consacré à ça dans mon livre. Vous exagérez, vous allez faire peur à tous les lecteurs. Non. Il y a qu'un chapitre qui est consacré à ça. Et en plus, vous avez peut-être remarqué qu'il y en a un résumé en trois pages dans l'introduction. Faut pas dire ça. Parce que les gens vont lire que l'introduction. Bah oui. Mais alors, puisqu'on en est à parler de l'absolu, peut-on penser l'absolu ? On apprend à l'école que quand on fait des mathématiques, on démontre des théorèmes, par exemple. Oui. Dont la validité transcende justement la subjectivité universelle. Exact. Est-ce qu'on ne peut pas dire que les mathématiques, le théorème de Pythagore par exemple, offre un caractère absolu qui du coup est accessible et pensable ? Alors, c'est ça la question. Vous savez qu'il y a un grand débat en philosophie des mathématiques entre les platoniciens et les anti-platoniciens. Les platoniciens diraient, ok, les vérités mathématiques, elles existent toutes faites avant nous dans une sorte de ciel des idées. Donc on les découvre. Et on ne fait que les découvrir. Par contre, les autres philosophes des mathématiques, alors il y en a plein, les intuitionnistes, les pragmatistes, etc., les constructivistes, diraient non, bien sûr que non. Nous ne découvrons pas des vérités déjà toutes faites. Mais nous fabriquons un système formel qui nous permet de rendre les vérités indépendantes de chaque mathématicien particulier. Et du coup, c'est tellement indépendant de chaque mathématicien particulier que chaque mathématicien particulier croit, lorsqu'il a découvert une vérité mathématique, c'est-à-dire, en fait, selon cette position, lorsqu'il l'a construite, que cette vérité était là de toute éternité. Donc, si je comprends bien, vous, Michel Bitbol, vous seriez plutôt un anti-platonicien. Oui, c'est net. C'est assez net. C'est très net. Non, mais je me rassure, parce que ça prouve qu'à mesure de ma lecture de votre livre, je comprenais à peu près les arguments. Voilà, c'est sûr que c'est un système de position que j'espère cohérente. C'est-à-dire, effectivement, donc Meyassou est plutôt platonicien, Badiou l'est totalement. Moi, si vous voulez, ce qui va avec cette critique du matérialisme spéculatif, c'est aussi une position non réaliste, non absolutiste, non platonicienne sur les mathématiques. Une position constructiviste, si vous voulez. Alors, dans votre livre, Michel Bitbol, il y a de longues pages consacrées à Kant. Et vous rappelez une citation qu'on connaît bien, mais je l'ai trouvée dans votre livre, une formulation qui m'a surpris. D'habitude, je crois qu'on lui fait dire « je devais limiter la connaissance pour trouver une place pour la foi. Oui, c'est ça. Mais vous mettez, je devais supprimer le savoir pour trouver une place pour la foi. Écoutez, bon, c'est pas moi qui le mets, hein. J'ai copié une traduction, une bonne traduction. Chez Gallimard. Elles sont pas équivalentes. Limiter et supprimer. Non, alors ça, c'est la question des traducteurs. Je n'ai pas vraiment regardé tous les détails de l'allemand. Disons, prenons limiter ou supprimer en pensant que c'est à peu près équivalent. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Alors, en fait, effectivement, vous avez raison. Ce qu'il voulait dire, c'est limiter la raison. Montrer qu'elle a des bornes, qu'elle ne peut pas sortir, si vous voulez, de la connaissance empirique pour aller vers des connaissances spéculatives, métaphysiques, des grandes constructions rationnelles qui, soi-disant, lui feraient obtenir la connaissance sur quelque chose de complètement extérieur à nous. Et donc, puisque la raison est limitée, puisqu'elle ne peut pas parler de trois choses très importantes, elle ne peut pas véritablement atteindre la vérité sur l'âme, le monde dans son ensemble et Dieu, alors, puisqu'elle est limitée dans ces domaines, eh bien, libre cours est donné à autre chose. Alors, on a deux possibilités si on voit que la raison est limitée. Soit on renonce à certaines connaissances peut-être factices, soit on imagine autre chose pour accéder à ces connaissances. Alors, ça peut être quoi, la foi, la mystique, que sais-je encore. Mais vous diriez de votre livre que c'est un livre de métaphysique ou un livre de philosophie? Alors, moi je dirais, alors c'est un livre de critique de la métaphysique, et mais curieusement, étant un livre de critique de la métaphysique, ça finit par aborder des questions métaphysiques. Alors comment est-ce qu'on... Moi j'ai essayé de trouver des définitions de la métaphysique, et d'ailleurs je crois que Léon va intervenir parce qu'il en a plusieurs. Oui. Mais par exemple chez Kant, la métaphysique c'est la science des limites de l'entendement humain. Oui, tout à fait. Alors, mais vous voyez que c'est pas du tout la définition que donnerait justement un non-kantien ou un pré-kantien. Et donc la définition de la métaphysique dépend des métaphysiciens. Absolument. Lévinas l'a définie comme le vain désir d'un pays où nous ne naquîmes point. Ça, c'est encore plus beau. Francis Wolff, que vous connaissez bien, je crois, écrit « On n'a jamais cessé d'annoncer la mort de la métaphysique, mais sans jamais convaincre, car la longueur de l'agonie a fini par rendre le décès suspect. » Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, Meyassoud, d'une certaine façon, même s'il est très nuancé sur ce point, mais en fait, il rêve de faire renaître la métaphysique de ses cendres. Et qui c'est qui a brûlé la métaphysique? C'est Kant. Parce que en appelant la métaphysique, justement, une science réflexive de l'entendement, il a arrêté son projet ultime, son projet grandiose, qui était d'atteindre ce qui se donne au-delà de notre entendement et au-delà de nos sens. Léon Bonafé, je vous sens impatient. Oui, non mais c'est peut-être pour, encore une fois, aider à comprendre tout ça, se placer légèrement au-dessus, c'est-à-dire dépasser la métaphysique, qu'on ne peut comprendre, je pense, sans parler de la pataphysique, dont les apports à la métaphysique ne sont plus à démontrer. Donc, une rapide définition avec Alfred Jarry de la pataphysique, qui est la science de ce qui se surajoute à la métaphysique, soit en elle-même, soit hors d'elle-même, s'étendant aussi loin au-delà de celle-ci que celle-ci au-delà de la physique. Alors, pour le dire plus simplement avec une simple définition, la pataphysique est la science des solutions imaginaires qui accorde symboliquement aux linéaments les propriétés des objets décrits par leur virtualité. Voilà, je pense que ça permet d'éclaircir les choses pour tout le monde. Merci pour cette clarification, Léon. Michel Buitbol, une réaction. Eh bien, vous avez entendu, la pataphysique, c'est au-delà de la métaphysique qui est au-delà de la physique. Donc c'est ça le point, aller au-delà, sortir des limites de notre raison, sortir de nous-mêmes, sortir de notre peau, c'est exactement le rêve. Et sortir de la physique aussi. Voilà, sortir de la physique. C'est sortir. Donc c'est le rêve des métaphysiciens. C'est aussi le rêve des matérialistes spéculatifs que je critique dans ce livre. Voilà. Alors je profite du fait que vous êtes avec nous et que vous êtes un philosophe érudit pour vous demander de nous expliquer la différence entre transcendant et transcendantal. Ouais, chez bonne Kant. Question. Oui, bonne question parce que ça empoisonne les cours de philosophie terminale. Ça empoisonne les cours de philosophie. Notez bien que nous sommes un des rares pays au monde à connaître encore cette différence. Quand je vais dans un pays anglo-saxon, ils emploient indifféremment transcendant et transcendantal comme si c'était la même chose. Et je leur dis à chaque fois, mais si vous voulez communiquer avec nous, vieux philosophes continentaux, c'est-à-dire essentiellement français et allemands, vous devez apprendre la différence. Alors je vous l'ai dit. C'est l'exception culturelle. Voilà. Donc, les deux, évidemment, ont la même racine. Trans, justement, c'est aller au-delà. Mais il y a deux façons d'aller au-delà. Et là aussi, le français est une langue extraordinaire qui a deux mots pour ça. On peut aller au-delà vers l'avant ou au-delà vers l'arrière. Au-delà vers l'avant, pour ça, on utilise le mot au-delà. Mais au-delà vers l'arrière, on utilise en général le mot en deçà. D'accord ? Donc, au-delà vers l'avant, une connaissance qui va au-delà vers l'avant, ça veut dire une connaissance qui veut percer le voile des apparences vers les mécanismes cachés qui expliquent les apparences. Il y a une très belle, vous savez, il y a une très belle fresque, je pense, de la Renaissance, où vous voyez un bonhomme qui perce la voûte céleste avec les étoiles, il fait un petit trou dedans, comme si c'était du papier, et il passe au travers et il va regarder les rouages qui sont derrière. Bon, ça c'est la transcendance. Mais, attention, dans la connaissance, il y a certes ce qui est au-delà, mais il y a aussi ce qui nous permet de dire quelque chose. Par exemple, ma conscience, en ce moment, je n'en prends pas conscience. Enfin, à l'instant, je viens d'en prendre conscience. D'habitude, je n'en prends pas conscience, mais elle est là. Elle est juste à proximité de moi, et je ne la vois pas parce que c'est comme si c'était une fenêtre qui est transpercée vers les choses que je crois extérieures. Le transcendantal, c'est la condition de possibilité pour qu'on croit qu'il y a quelque chose d'extérieur. C'est-à-dire, c'est essentiellement l'ensemble de nos actes de conscience. La conscience, on ne la voit pas parce qu'elle est ce à travers quoi on voit. Et c'est ça qui est transcendantal. Merci, c'est enfin clair. Petite virgule. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors, en exergue de votre conclusion, Michel Bibol, vous citez un petit texte de Borges. Je le lis. Les métaphysiciens de Tlön, c'est une ville, c'est ça ? C'est une ville imaginaire, un pays imaginaire. Comme souvent chez Borges. Les métaphysiciens de Tlön ne cherchent pas la vérité ni même la vraisemblance. Ils cherchent l'étonnement. Ils jugent que la métaphysique est une branche de la littérature fantastique. Oui, exactement. Ça résume un peu ce que vous venez de dire, d'une certaine façon. Voilà. De fait, effectivement, on pourrait dire que la métaphysique est l'art de raconter des contes sur ce que nous ne pouvons pas connaître. Et grâce à cela, d'avoir l'impression que nous comprenons ce que nous connaissons. Mais alors donc, il y a deux attitudes à avoir face à ça. La première attitude que je maintiens pendant les trois quarts du livre, c'est de dire, attention, vous êtes en train de vous raconter des histoires. Mais à la toute fin de l'introduction, je dis... Mais peut-être que l'homme est un être qui a besoin de se raconter des histoires. Si l'être humain est capable de comprendre à la fois qu'il a le pouvoir de se raconter des histoires, mais que ce ne sont néanmoins que des histoires, alors là je suis d'accord. Mais ce que je reproche justement aux métaphysiciens ou au matérialisme spéculatif, c'est de raconter des histoires sans savoir qui raconte des histoires. Alors justement, vous citez Einstein. Einstein, qui était un physicien réaliste, comme on dit, presque matérialiste d'une certaine façon, oui. Mais bizarrement, vous lui faites dire, enfin, il a dit quelque chose qui va dans le sens de ce que vous expliquez. Oui. Il écrit, il offre à l'époque de sa maturité, alors qu'il s'est un peu contredit lorsqu'il était plus jeune, il offre un exemple élégant et concis de clairvoyance épistémologique. Selon sa formule provocatrice, la physique est une sorte de métaphysique dans la mesure où cette discipline scientifique se voit assigné pour mission de décrire la réalité telle qu'elle est. Mais en même temps, ajoute Einstein, avec une forme, dites-vous, cultivée de candeur, nous ne savons pas ce qu'est la réalité, nous ne la connaissons qu'à travers la connaissance qu'en donne la physique. C'est presque un résumé de votre thèse. Tout à fait, c'est un parfait résumé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas saisir par la pensée ce qui est indépendant de la pensée. Exactement. Mais ce qui est très merveilleux, c'est que Einstein avait exactement les deux qualités que j'ai proposées. C'est-à-dire, il racontait une histoire sur ce qu'est le monde. Il disait, par exemple, voilà, le monde est une grande boule d'espace-temps qui se courbe sous l'effet de la matière, etc. Donc, il raconte une histoire. Mais en même temps, il sait que c'est une histoire. Il sait que, justement, ce qu'on appelle la réalité, ce n'est autre, dans nos yeux, que ce que peut nous en dire la physique. Oui, donc, c'est complètement circulaire. Cette histoire qui se raconte, prédit que, par exemple, la lumière doit être déviée par la matière et qu'on peut l'observer dans des éclipses totales du Soleil. Ça, on l'a jamais vu. C'est pas une histoire qu'on a racontée avant. On fait la mesure et on voit que l'histoire est vraie aussi sur ce point. Alors, est-ce là, que j'ai... ça pas lui, est-ce que ça lui donne pas un peu plus de force, de crédit que ce que vous défendez là? Alors là, je suis pas d'accord. Parce que pour moi, ce qui est puissant sur le plan de la prédiction scientifique, par exemple cette capacité de prédire, l'avance du périhélie de Mercure, ou la capacité de prédire la déviation des rayons lumineux par le Soleil, ce n'est pas l'histoire sur le monde qu'on se raconte qui le donne, c'est les mathématiques. Les mathématiques, vous savez, le calcul tensoriel, ce calcul extrêmement complexe, mais qui a une propriété très intéressante qu'il faut dire, c'est que il est invariant par changement de référentiel. C'est cette mathématique de l'invariance, ou même la mathématique de la covariance, comme le disait Einstein, qui permet de prévoir toutes les possibilités que nous avons de voir, par exemple, les rayons lumineux, etc. Et ça marche. Maintenant, par-dessus ce calcul tensoriel, vous pouvez greffer une interprétation, vous pouvez greffer une image, vous pouvez greffer une histoire, une représentation. Mais c'est pas la représentation qui est puissante, c'est les mathématiques qui, comme le disait Jacques Bouffresque commentant Wittgenstein, c'est finalement la description de toutes les possibilités que nous avons de nous positionner face au phénomène. Oui, mais il y a le « ça marche ». Le « ça marche » le ça marche, ne oui. marche pas pour tout. Alors ça marche. Et donc, qu'est-ce qui, bien fait, sûr. Qu'est-ce qui fait que parfois ça marche et parfois ça ne marche pas? Voilà. Alors que les arguments mathématiques peuvent être aussi forts dans un cas que dans l'autre. Alors, nous sommes d'accord sur un point. C'est déjà pas mal. Quelque chose nous dépasse. D'accord? C'est ça le réalisme minimal. Et de ce point de vue-là, évidemment, je suis d'accord avec vous. D'accord? Mais par contre, qu'on dise ce quelque chose qui nous dépasse à la forme qui est décrite par les interprètes, par exemple, de la relativité générale, qui nous disent le monde est une grosse boule, pour simplifier, d'espace-temps, avec une géométrie riemannienne qui est déformée par des éléments de matière, etc. Ça, c'est une histoire. Une histoire qu'on surajoute à des mathématiques claires, puissantes, prédictives et efficaces. D'accord? Alors, j'ai une autre citation d'Einstein. Je voudrais savoir si elle correspond à celle qu'on vient de citer auparavant. Il a écrit quelque part, je ne sais plus très bien où, « Je crois que tout véritable théoricien de la physique est une espèce de métaphysicien apprivoisé, si forte que soit sa conviction d'être un positiviste pur et dur. » Voilà. Alors, effectivement, et si vous voulez, cette phrase que vous venez de citer d'Einstein résume en fait toute sa carrière. Parce que vous savez qu'au tout début de sa carrière, vers 1905, il a révolutionné la physique en accomplissant un acte absolument décisif. Il a dit « Moi, je ne veux plus parler de toutes ces entités que je ne connais pas. Temps, espace, éther. » Vous savez, cette espèce de milieu dans lequel étaient censées se propager les ondes électromagnétiques, c'est-à-dire les ondes de lumière. Il a dit « Non, je ne veux plus croire à toutes ces entités. Je suspends toute croyance à leur égard et je ne parle plus que de ce que je peux mesurer comme longueur et de ce que je peux mesurer comme intervalle temporel, voire comme élément de simultanéité. » Autrement dit, à l'époque, il était ce qu'on a appelé positiviste. Il redescendait du niveau des grandes spéculations vers le niveau concret des actes au laboratoire. Mais ensuite, il a vu que ça marchait si bien qu'il s'est laissé, à mon avis, enivré par sa construction mentale, et il y a cru comme si c'était une représentation du monde tel qu'il est, intrinsèquement et indépendamment de nous. Et c'est ce qui a fondé sa critique de l'interprétation de la mécanique quantique proposée par Niels Bohr, voilà. Sur laquelle vous revenez longuement dans le livre. Exactement. Et vous savez que Heisenberg lui a reproché ça. Il lui a dit, oui. Mais enfin, tu me reproches à moi, Heisenberg, d'avoir fait retour aux observables, c'est-à-dire aux phénomènes, aux choses concrètes du laboratoire. Mais toi, c'est bien ce que tu as fait en 1905. Comment peux-tu me reprocher ça? C'était une erreur de jeunesse. Alors, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Mais c'était aussi, vous voyez, une inspiration pour d'autres physiciens. Et c'est cette inspiration qui a permis à d'autres physiciens comme Heisenberg de construire une autre théorie, la mécanique quantique, de façon libérée, justement, des images classiques. Donc, on se libère des images classiques par une table rase positiviste, et après, quelquefois, on essaye d'élaborer une nouvelle image par-dessus. Mais la nouvelle image n'est pas forcément à prendre au pied de la lettre. Léon Bonafé, est-ce qu'on pourrait parler de peinture ? Bien sûr, avec toujours l'importance de raconter des histoires, avec Jacques Prévert ici, et Promenade de Picasso. Sur une assiette bien ronde, en porcelaine réelle, une pomme pose. Face à face avec elle, un peintre de la réalité essaie vainement de peindre la pomme telle qu'elle est. Mais elle ne se laisse pas faire, la pomme. Elle a son mot à dire, et plusieurs tours dans son sac de pommes, la pomme. Et la voilà qui tourne dans une assiette réelle, sournoisement, sur elle-même, doucement, sans bouger. Et comme un duc de Guise qui se déguise en bec de gaz parce qu'on veut malgré lui lui tirer le portrait, la pomme se déguise en beau fruit déguisé. Et c'est alors que le peintre de la réalité commence à réaliser que toutes les apparences de la pomme sont contre lui. Et comme le malheureux indigent, comme le pauvre nécessiteux qui se trouve soudain à la merci de n'importe quelle association bienfaisante et charitable et redoutable de bienfaisance, de charité et de redoutabilité, le malheureux peintre de la réalité se trouve soudain alors être la triste proie d'une innombrable foule d'associations d'idées. Et la pomme, en tournant, évoque le pommier, le paradis terrestre et Ève et puis Adam, l'arrosoir, l'espalier, parmentier, l'escalier, le Canada, les Hespérides, la Normandie, la Rainette et la Pie, le serpent du jeu de paume, le serment du jus de pomme, et le péché originel, et les origines de l'art, et la Suisse, avec Guillaume Tell, et même Isaac Newton, plusieurs fois primé à l'exposition de la gravitation universelle. Et le peintre étourdi perd de vue son modèle et s'endort. C'est alors que Picasso, qui passait par là comme il passe partout, chaque jour, comme chez lui, voit la pomme et l'assiette et le peintre endormi. Quelle idée de peindre une pomme, dit Picasso. Et Picasso mange la pomme. Et la pomme lui dit « Merci ». Et Picasso casse l'assiette et s'en va en souriant. Et le peintre, arraché à ses songes comme une dent, se retrouve tout seul devant sa toile inachevée, avec au beau milieu de la vaisselle brisée les terrifiants pépins de la réalité. Bravo, merci beaucoup Léon. Michel Bitbol, un commentaire peut-être, une réaction ? Écoutez, c'est un texte magnifique et un texte qui évoque bien la difficulté de ce rêve de peindre la réalité telle qu'elle est. Qu'est-ce que la réalité de la pomme ? Est-ce que ce sont les rêves que nous faisons à ce propos, les projections, les concepts, les représentations que nous avons héritées de la Bible, de Newton, etc. Comment enlever toutes ces strates qui nous cachent en quelque sorte la pomme pour voir enfin cette pomme. Et qu'est-ce que cette pomme si, par exemple, selon le projecteur que vous allez mettre pour l'éclairer, elle peut paraître jaune sous un projecteur au sodium, elle peut paraître rouge sous un laser rouge, et ainsi de suite. Quelle est la réalité de la pomme ? Où est-elle, la réalité de la pomme ? Alors, c'est un poème qui s'appelle « Promenade de Picasso ». Et il y a question donc de pommes, mais aussi d'assiettes. Et ça fait penser à la phrase de Georges Braque qui disait « Ce qui est entre la pomme et l'assiette se peint aussi ». Alors j'ai une question un peu brutale à vous poser, Michel Bitbol. Nous, les physiciens parlent d'électrons. Ils sont sûrs que les électrons existent. Oui. Ils peuvent discuter de la façon qu'ont les électrons d'exister, de se manifester, d'être décrits, représentés mathématiquement, mais ils ne doutent pas qu'ils existent. Oui. Est-ce que vous sauriez répondre à la question « qu'est-ce qu'un électron ?» Alors, je saurais y répondre, mais probablement en pas mal de temps. Mais le temps votif, c'est deux pages. C'est raisonnable. Oui, alors ça, je me rappelle plus ce que j'ai écrit, mais je vais essayer de vous résumer. Bon, les électrons. Quand on dit les électrons, on a l'impression que c'est un petit peuple d'individus. il y a un électron ici, un électron là, etc. Puis cet électron, il a une existence. Et alors, je peux le suivre dans l'espace avec sa trajectoire. Ça, c'est l'idée classique de l'électron. Malheureusement, ça ne marche pas du tout. En physique quantique, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. D'abord, les électrons ne sont pas des individus, parce que quand on les compte, on est obligé de tenir compte du fait qu'ils sont parfaitement indiscernables des autres membres de leur espèce. Deuxièmement, on ne peut même pas les réidentifier dans l'espace et dans le temps, parce qu'à chaque fois qu'on fait une observation, pouf, ils s'en vont dans tous les sens, et on les retrouve là où on ne les attendait pas, selon les relations d'incertitude ou d'indétermination de Heisenberg. Donc ils ont ni individualité, ni réidentifiabilité dans le temps, ce qui est très ennuyeux pour un objet banal comme un petit corps matériel. Et donc, ils ont un mode d'existence qui est totalement inédit, inconnu jusque-là. Alors, l'une des façons de comprendre ce mode d'existence, c'est d'utiliser le point de vue d'une théorie que vous connaissez, mais que nos auditeurs connaissent sans doute pas, c'est la théorie quantique des champs. Et dans la théorie quantique des champs, les électrons, ce ne sont pas des petites choses identifiées, etc. Ce sont des modes d'excitation d'un champ. Et donc, voilà le problème. C'est bien que notre façon de comprendre l'existence d'électrons dépend de nos connaissances. Et oui. D'ailleurs, c'est très intéressant. C'est que si vous faites une histoire de la conception de l'électron depuis le 19e siècle. Je le confirme, c'est ça qu'il y a dans votre livre, que j'ai mieux lu que vous, d'après ce que je comprends. Exactement. Donc, si vous faites une histoire de la conception de l'électron depuis le 19e siècle jusqu'à maintenant, eh bien, sous le mot électron, vous mettez au moins trois ou quatre choses différentes. La première, c'est simplement une charge élémentaire. C'est la charge E, la charge la plus petite possible, la charge électrique la plus petite possible. Ça, c'était la conception qu'on avait vers le milieu du 19e siècle. Ensuite, Thomson donc a considéré que l'électron était une petite particule, un petit objet, avec une charge et une masse. Ensuite, on a commencé à douter de l'individualité de ces petits objets corpusculaires. Et on s'est dit, oui, mais ça ne marche pas tout à fait, parce que les électrons ne peuvent pas être considérés comme des individus qui, mis ensemble, forment une espèce, mais plutôt le contraire, comme une espèce que nous croyons pouvoir instancier par des individus. Ça, c'est le troisième état du concept d'électron. Et enfin, vous avez la conception plus proche de la conception contemporaine, où l'électron n'est plus que cela, c'est-à-dire un mode d'excitation d'un certain champ qu'on appelle électronique. Mais est-ce que c'est pas ça l'argument le plus fort contre le matérialisme spéculatif ? L'idée que notre façon de parler de ce qu'il y avait avant nous dépend en fait de ce que nous pensons aujourd'hui. Exactement. C'est exactement ça. C'est pour ça que j'ai développé cette histoire, pour dire, ok, vous dites, il y a des électrons et les chercheurs scientifiques, les physiciens l'ont découvert. Mais non. Mais qu'est-ce qu'ils ont découvert ? Ce qu'ils ont découvert dépend de l'état présent de leur conception. Alors évidemment, le rêve, si vous voulez, des physiciens, et quand je leur donne cet argument, ils disent quoi ? Ben ils disent, oui, certes, nos conceptions de l'électron ont changé dans le passé, mais dans l'avenir, on va parvenir à une conception ultime qui sera la bonne. Seulement, pour l'instant, moi, je n'ai pas vu la conception ultime. Elle est encore en état d'évolution. Et on n'a pas fini, je crois. Ça veut dire que tout ce que nous disons est relatif à ce que vous appelez le présent vivant. Oui, le présent vivant de nos connaissances. Et le présent vivant même de notre expérience actuelle, hein, c'est très fort. Parce que maintenant, si vous dites, ok, moi je crois à l'existence des électrons, je crois à la validité de l'équation de Schrödinger, etc. Mais tout ça, cette proclamation, cette conviction, c'est un état présent de votre esprit, de votre conscience. Il ne faut jamais l'oublier. Enfin, en général, on l'oublie. Parce que justement, le but de cet acte présent de conscience, c'est de s'extraire de lui-même. De dire, oui, mais tout cela est indépendant de moi maintenant. Mais la conviction que tout cela est indépendant de moi maintenant vaut pour moi maintenant. On apprend beaucoup de choses en vous écoutant, Michel Bitbol, mais aussi en vous lisant, on apprend des nouveaux mots. Par exemple, j'ai appris un mot que j'ignorais, qui est le mot élanctique. Ah oui. Il y a un chapitre, enfin un paragraphe qui s'intitule « Deuxième parade contre l'argument élanctique matérialiste, l'argument méta-élanctique ». Oui, alors vous allez faire peur là aussi aux auditeurs. Non, mais en fait, je le rappelle parce que c'est très bien expliqué. Oui, oui, d'accord. Alors effectivement, l'argument élantique, c'est un argument qui ne se contente pas de la pure logique, de la pure rigueur interne, si vous voulez, des déductions, mais qui essaye de mettre en scène l'interlocuteur et qui dit à l'interlocuteur, qu'est-ce qui se passe quand tu crois à cette thèse ? Est-ce que tu peux être cohérent avec toi-même quand tu crois à cette thèse ? Et on lui répond, ben non, finalement, tu peux pas être cohérent avec toi-même. Tu te contredis. Par exemple, si je dis, il n'existe pas de vérité. C'est une phrase autoréférente. Voilà. Comme quand on dit tout est relatif. Exactement. Parce que là, du coup, je ne dis rien, puisque je viens d'affirmer comme une vérité qu'il n'existe pas de vérité. Et quand je dis que tout est relatif, ça suppose que cette phrase est relative. Voilà, absolument. Donc, vous voyez, il y a des cas où on se contredit soi-même. C'est-à-dire que l'acte de prononcer la phrase contredit le contenu de la phrase. Il est interdit d'interdire. Oui, exactement. Il est interdit d'interdire. Ça se contredit parce que c'est une interdiction. Alors, vous expliquez dans votre livre que, évidemment, on ne peut pas s'absenter du présent. Voilà. Bon, on peut pas être. Est-ce que c'est une raison suffisante pour dire que seul le présent existe ? Alors, on peut imaginer que autre chose existe qui se situe ailleurs que là où est notre présence. Par exemple, il y a une interprétation de la relativité que vous connaissez, là. La conception de l'univers bloc, oui. Qui considère que tous les événements sont là dans l'espace-temps comme sont les lieux dans l'espace, voilà. Et que ce qui détermine ce que nous appelons le présent, c'est notre présence dans l'espace-temps. Oui. Et non pas un présent du monde. Tout à fait. Alors, d'abord, très important, dire qu'on ne peut pas s'échapper du présent, ce n'est pas dire que seul le présent existe. Non. Parce que si on disait ça, si on dit seul le présent existe, ça voudrait dire, vous avez tous ces instants, il y en a un que j'appelle le présent, et seul lui existe, et tous les autres n'existent pas. Donc ça n'aurait pas de sens. Le présent serait ceinturé par du néant. Exactement. C'est pas ça que je dis. C'est simplement un fait, mais vraiment élémentaire. C'est-à-dire, de toute façon, vous ne pouvez pas faire que vos thèses ne soient pas elles-mêmes, vos thèses, par exemple, sur le passé, sur le futur, sur l'univers bloc, etc., ne soient pas fondées sur une évidence, sur une preuve, sur une conviction présente. Alors ça, c'est la différence entre l'idéalisme et la phénoménologie. Très important. L'idéalisme proclamerait, par exemple, qu'il n'y a que l'esprit. La phénoménologie ne dit pas ça. Elle dit juste... Toute conviction que vous avez sur l'existence de quelque chose d'autre que l'esprit est fondée sur, finalement, un état présent de votre esprit. C'est tout. C'est beaucoup plus faible, si vous voulez, mais ça, c'est de l'évidence pure. Ce n'est pas une thèse. Ce n'est pas dire, il y a, par exemple, de l'extérieur... C'est presque de la logique. Voilà, c'est ça. Alors, j'aimerais que nous parlions un petit peu du Big Bang, mais avant... C'est pas de la logique. C'est en deçà de la logique. C'est-à-dire, c'est le fait que vous ne raisonnez pas, mais vous constatez une chose incroyable, c'est que vous êtes là, maintenant, présent. Pourquoi sommes-nous là, maintenant, dans cet endroit qui est finalement le salon du livre ? Pourquoi sommes-nous donc le 16 mars 2019 et pas à un autre instant, à un autre moment ? C'est une chose qui est d'une banalité totale et qui est proprement stupéfiante. Léon, avant qu'on parle du Big Bang, peut-être pourriez-vous lire un texte qui, je crois, s'appelle Création ? La Création, oui, voilà. Avant le Big Bang, ça me paraît pas mal. Oui. Il n'y a pas de créateur. La Création supprime toutes les créations plus folles, plus ardentes, et se passe de forme, et se passe de fin. Rien n'est créé. Tout est promu à l'apparence dans un faux miroir rassasié de mensonges qui, brisant une image, en retire 2000 plus mensongères, plus moqueuses et couvertes de sang. Toi non plus, l'incréé, tu ne peux advenir. Sur ton néant, que de lèpre qui court jusqu'à l'apoplexie, jusqu'au refus. Tu te voulais le frère adultérin de ce qui, quelque part, serait plausible. Soldat d'une guerre qui n'aurait lieu qu'aux quatre coins de sa folie. Ô l'incréé, retourne au ventre où rien encore n'est prêt à devenir un ventre. Le créant, comme une sève qui dirait « donnez-moi l'arbre », comme un granit « donnez-moi la statue », comme un soupir « donnez-moi la colline ». Le créant aura-t-il quelque jour la force de choisir tout cela qu'il aimerait créer ? Or la fourmi va vivre, or le marais va sortir de ses joncs, or le reptile a besoin de lumière. La création supprime, si heureuse, toute pensée de création. C'est un texte d'Alain Bosquet. Merci Léon. Michel Bibol, ces deux dernières lignes, la création supprime, si heureuse, toute pensée de création. La création supprime toute pensée de création. C'est une phrase incroyable. Oui, tout à fait. Est-ce qu'elle n'est pas un peu autoréférente, d'ailleurs? Oui, parce qu'elle est pensée. Alors, on a annoncé que nous parlerions du Big Bang. Moi, j'entends souvent les physiciens, les astrophysiciens en parler. Ils racontent une histoire, un peu comme s'ils étaient présents à cette période de l'univers, l'univers primordial, comme on l'appelle. Est-ce qu'ils se racontent des histoires? Est-ce que, là aussi, il y a une sorte d'abus de langage, de façon de dire les choses comme si nous étions capables de sortir de notre conscience pour accéder à des périodes où il n'y avait pas de conscience? Oui, c'est ça. Alors effectivement, ils racontent une histoire, l'histoire de l'univers. Mais pour cela, ils ont eu besoin de travailler avec les conceptions que nous avons à l'heure actuelle, des lois de la nature, des caractéristiques des objets qui peuplent la nature. Et surtout, ils ont eu besoin de comprendre comment reconstituer une chronologie passée. Quelles horloges utiliser? Quel garde-temps? Donc, ils ont eu besoin de tous ces éléments que j'appelle des éléments d'extrapolation. Ils extrapolent la validité des lois de la nature vers le passé. Ils extrapolent la validité et la correction des horloges vers le passé. Mais y avait-il une horloge au début de l'univers? Y avait-il une horloge, dans ce qu'ils appellent une seconde après le Big Bang? La réponse est non. Et donc, forcément, ils sont obligés de reporter de proche en proche les indications des horloges présentes vers quelque chose qui n'était pas véritablement chronométré à l'époque. Donc, ce scénario qu'ils racontent est une reconstruction. Et il faut le savoir. Mais ça n'est pas parce qu'il n'y a pas de chronométrage qu'il n'y a pas de temps. Je n'en sais rien. Si vous pensez à Einstein qui justement dit il n'est plus question, il ne peut plus être question d'un temps si ce n'est à travers les indications des horloges, alors vous vous rendez compte que l'idée, si vous voulez, selon laquelle le temps serait totalement indépendant de toute mesure que nous pourrions faire a posé des problèmes dans le passé et ça pourrait nous poser des problèmes dans l'avenir. Donc il faut rester extrêmement prudent dans ces matières et ne pas aller trop vite dans l'idée que, eh bien, on a réussi, c'était pas un problème, on a réussi à s'affranchir des horloges, à remonter dans le passé, et finalement le scénario du Big Bang, le scénario de l'histoire de l'univers, est exactement comme on nous le dit en s'appuyant sur cette extrapolation. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème conceptuellement plus difficile et plus délicat, disons, c'est celui du statut des lois physiques? Oui. Parce que quand on parle de Big Bang, ou disons des premières secondes dans l'univers, on le fait toujours en invoquant des théories physiques. Oui. La relativité générale, la physique quantique, ou bien essaie même d'associer les deux, puisque les particules à cette époque subissent toutes les interactions, donc il faut les décrire de façon relativiste et quantique en même temps, tenir compte de la gravitation. Et ça suppose que les lois étaient déjà là. Absolument. Ça suppose que les lois étaient déjà là, et qu'elles étaient identiques à ce qu'elles sont ici et maintenant, sur la Terre. Sur la Terre ou dans son environnement immédiat, là où nous les avons bien testées. C'est pas évident. Vous connaissez sûrement le problème actuel de la matière noire. Mais en fait, c'est simplement, on a imaginé la matière noire. Pourquoi? Eh bien, parce que la rotation des bras de galaxies ne correspond pas du tout à celle qu'on prévoit en utilisant la connaissance qu'on a de la matière des galaxies et la connaissance qu'on a des lois de la gravitation. Alors on s'est dit, il doit bien y avoir quelque chose, de la matière noire. Mais il est très possible, et on le sait maintenant, que ça soit pas la matière noire qui explique cette anomalie de la rotation des bras de galaxies, mais une déviation des lois de la gravitation par rapport aux lois locales que nous connaissons et qui sont conformes à la relativité générale d'Einstein. Donc, qui nous dit que les lois, entre guillemets, de la nature sont identiques ici et plus loin, qu'elles soient identiques maintenant et avant? Tout ça, ce sont des hypothèses, ce sont des extrapolations. Et tout le scénario de l'origine de l'univers est basé sur ces extrapolations. Il faut le savoir. Mais alors, comment est-ce qu'on pourrait refonder épistémologiquement la cosmologie en tenant compte de cet argument? Ben, écoutez, Où est-ce que ça s'effondre? Écoutez, on ne peut pas... Ça s'effondre un peu, c'est-à-dire que... Non, c'est pas que ça s'effondre, c'est simplement qu'il y a un coefficient d'incertitude. On ne sait pas ce qu'il en est des lois de la nature dans le passé. On pose qu'elles sont identiques à celles de maintenant. On a quand même des arguments. On voit que la physique qui régit les étoiles qui sont très loin et la lumière qui nous en provient a mis beaucoup de temps pour nous arriver, oui. Ces lois sont les mêmes que chez nous. Donc on sait dire que dans un passé de quelques 10 milliards d'années, les lois physiques étaient les mêmes. C'est ce qu'on apprend à l'école, c'est ce que je dis à mes étudiants. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que ce que je dis, c'est qu'on réinterprète, si vous voulez, les données qui nous proviennent d'étoiles qui sont très très distantes, en se disant que devait-elle être si je considère que les lois valent rétrospectivement. Et c'est exactement ce qu'on a vu, comme je vous disais, pour le problème des lois de la gravitation à distance. Au début, on interprétait tout comme si... justement les lois de la gravitation que nous voyons ici sont identiques aux lois de la gravitation qu'on observe là-bas, mais on s'est rendu compte qu'il y avait des phénomènes anormaux qu'on était obligé d'expliquer. Alors si on continue à penser que les lois sont identiques ici et là-bas, alors on doit introduire la matière noire. Mais si on enlève la matière noire, alors il faut introduire des lois différentes là-bas. Donc vous voyez, tout dépend des hypothèses qu'on fait. Non, mais c'est toujours la même histoire. La solution, quand il y a un désaccord entre la théorie et les mesures, c'est soit ontologique, on ajoute quelque chose, soit législatif, on change la loi. Exactement. Et laquelle des deux solutions va marcher? Pour l'instant, on n'en sait rien. On ne peut pas savoir à l'avance, il faut faire des recherches. Il faut faire des recherches, et on n'y est pas encore. On cherche, je peux vous dire. Bon, j'ai une dernière question, parce que vous citez en exergue d'un des chapitres, je crois que c'est l'avant-dernier, une phrase de Balzac, qui est, je crois, tirée de sa correspondance. Oui. Il écrit « Je n'osais pas te dire qu'entre moi et l'absolu, on en revient à la question posée, à peine existe-t-il un cheveu de distance ?» J'ai l'impression que vous êtes d'accord avec cette phrase, mais dans quel sens ? Absolument. Alors évidemment, chez le héros de Balzac, il s'agissait d'un chercheur un peu fou qui pensait isoler une substance qu'il appelait l'absolu, et il pensait toujours qu'il était à un poil d'y arriver, quoi. Donc un cheveu. Y arriver, et donc il disait à sa famille, ça y est, vous allez voir, je vais l'obtenir. Mais dans le cas que j'essaye de faire valoir, c'est pas du tout ça le sens. C'est que entre nous, en tant qu'être percevant, en tant qu'être ayant une expérience, en tant qu'être vivant maintenant notre vie d'être conscient, et l'absolu, il n'y a qu'un cheveu de distance. C'est-à-dire qu'en fait, ce que nous vivons maintenant, c'est ça l'absolu. C'est pas un truc qu'on va aller chercher loin, etc., derrière le voile des apparences. C'est l'apparence elle-même. C'est l'apparaître plutôt. Parce que l'apparence, c'est dire qu'il y a quelque chose au fond de limité, quelque chose qui nous cache une réalité plus réelle que l'apparence. Mais l'apparaître, c'est tout ce qu'il y a. Parce que même si j'essaye de chercher derrière les apparences, qu'est-ce qu'il y a? Encore des apparences. Ben, je vais vous dire ce qu'on est en train de vivre maintenant, Michel Bibol, c'est pas la finitude, mais c'est la fin de cette émission. Eh bien oui, il faut que ça se finisse. C'est la finitude, on pourrait dire, de notre temps de parole. Je vous livre une anagramme, question sans réponse. Ah, pour anagramme, enquêtons sans espoir. Je vous remercie d'être venu, ainsi que Léon Bonafé, Michel Bibol. C'était la conversation scientifique avec Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Emmanuel Morse-Duncan et Martin Guénard, et la réalisation Thomas Jost.